ça qu'il veut dire. ثالثا يمكث المريض بالمستشفى اسبوعا. Donc le malade reste à l'hôpital une semaine. Mais là, rester là, c'est le même sens que abqa tout ça que, on peut dire abqa le malade mustachfa. Mais makathas, il y a aussi un sens de rester, de s'installer. Mais il est mouradib de baqi yabqa. C'est un synonyme. Non, on pourrait dire yabqa. Il n'y a pas, il y a pas de différence. Yabqa, yabqi. Yabqa. Il n'y a pas de yabqi. Là. وأسبوعا لا في السمن سيمكث المريض بالمستشفى أسبوعا. pareil que le malade restera à l'hôpital une semaine. رابعا يعالج الطبيب عمر غدا. donc le médecin là nous obligé de nous mettre au futur à cause du mot غدا, il soignera عمر demain. سيعالج الطبيب عمر غدا. là on a rajouté le signe pour le futur, mais dans la traduction il n'y aura pas de différence, que le médecin soignera عمر غدا. Et ça c'est signe, c'est pour un futur proche, et quand il met saufa, c'est un futur plus lointain. Si tu mets saufa à la place de signe, c'est un futur plus lointain. Et le signe, c'est un futur plus lointain que quand on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu mets. Ça dépend de la phrase. Ça, j'ai pas entendu de call là-dessus. Je peux pas te dire. Je peux juste te dire que c'est au fait, c'est un futur plus lointain que ce qu'on est. ثالثا حاول كما في النموذج. النموذج فحص الطبيب عمر. Après, il faut rentrer l'âme dedans. L'âme yafhasid tabibu Omar. Ça vient comme le premier qu'on a lu. Le Hamma, c'est la fièvre, ça. Non, la fièvre. Donc, ça, Inch'Allah, ça y a qu'on les radines. Et ensuite, l'autre, il n'y a pas dénoncé. Je ne sais pas s'il y a une erreur d'imprimé ou pas. La page d'à côté. C'est sûr, ça. Ouais, c'est ce que je pense qu'on va mettre avec signe. Vous réécrivez les phrases en mettant signe. Et le fait qu'il y ait l'youm, maman, il adore. Le fait qu'il y ait l'youm, hein, par exemple, il y a tassil ou Ibrahim ou Bilisaf et l'youm. C'est-à-dire que Ibrahim appelle les secours aujourd'hui. Comme tu peux te futur aussi. C'est-à-dire que tassil ou Ibrahim ou Bilisaf et l'youm. Ibrahim va appeler les secours aujourd'hui. Là, l'youm, là, tu peux mettre le futur. Parce que ça peut être maintenant, il va faire après. Dans la même journée. Ma fihi aymania. Par contre, si tu as mis Ams, là, tu ne peux pas mettre ça. Ça y a Tassil Ams. Là, c'est Ibrahim appelle l'arabe les urgences aujourd'hui, c'est ça? Non. Et le bi là, pourquoi il y a bi? Parce que bi, normalement, c'est pas. C'est quand il y a Tassil, on a dit il y a Tassil pour appeler, tu dis bi ou li. Ala fakat, def kathir, elio. وما زلنا لغد أن تكتبوا جملا حتى أنت عبد الرحمن للتمرين للدرس précédent. سابع هذه فقط إسعاف ومنتصف وبيضاء وبطن والنجاح وكيف الخميس. طيب دونك pour demain السابع seulement. Et vous cassez, faites des phrases simples. Voyez, Amshé, Jumal Mufida, Fiha, Adil Kelimat. Parce que moi, en fait, que je comprends pas. Moi, c'est des noms. Je sais pas si c'est des noms